j'aimais ça. Aux abords du maquis, s'est fait flinguer, pourquoi et par quel ennemi avait-il tué d'abord pour être tué aussi? Était-il un rebelle? Était-il un bandit? Tu me manques ce soir. Je parle de toi à ta douce compagne qui pleure près de moi. Les mots qu'elle ne dit pas, c'est la loi de l'omerta de ce pays que j'aime quand il vit libre, épanoui, loin du bruit, de la fureur des fusils. Notre invité, c'est donc Edmond Simeoni, lui-même le protagoniste principal des événements d'Aléria. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vais vous poser cette question-là d'abord. Vous avez entendu ce récit qui a dû remuer des souvenirs, évidemment. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de cette façon? Alors, je pense que j'étais contraint de le faire. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Mais il n'y avait pas d'autre alternative parce que... En fait, ce jour-là, c'est le point de rencontre entre deux volontés qui s'exercent. D'un côté, il y a la tutelle de la France depuis 1769 à Ponténou, qui, dans le cadre de sa centralisation excessive, de sa colonisation, a réduit l'identité corse à une peau de chagrin, et de l'autre, une identité qui prend naissance et qui se renforce. Donc, les antagonismes sont tels. Les incompatibilités sont tellement majeures que la rencontre est inévitable. Alors, quelle était la nature de cette action d'Aléria? Est-ce que c'était une action indépendantiste? Parce qu'on va se mettre d'accord en un point de vue sémantique, si vous voulez bien. Quelles sont les différences entre nationalisme, indépendantisme, autonomisme appliqué à la Corse? Écoutez, c'est extrêmement simple. L'indépendantisme, c'est... Dans ce cas d'espèce, avec la création du FLNC en 1976, donc un an après Aléria, c'est la création d'un mouvement clandestin qui utilise la force pour arracher l'indépendance, c'est-à-dire la séparation avec la France. L'autonomie est une revendication qui se situe dans le cadre de la République française, c'est une forme d'appartenance, et qui utilise beaucoup de moyens, de manifestations et autres jusque-là, pour essayer d'obtenir au moins un dialogue. Mais les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, il n'y a absolument pas de médias. Il est certain que le français moyen ne sait pas qu'en Corse, la démocratie est une caricature, et qu'il n'y a pas une élection, je dis bien une, qui ne soit frauduleuse et entachée de la complicité de l'État. Il n'y a pas une mise en valeur, qu'il s'agisse du tourisme, de l'agriculture, qui systématiquement exclut les Corses de son bénéfice. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Il n'y a pas un poste de droit qui soit respecté dans l'île, voilà, c'est simple. Vous parlez au présent là? C'est le cas aujourd'hui selon vous? Mais bien entendu, je pense que c'est au présent et je pense qu'en définitive, Paris est inamendable parce qu'il n'arrive pas à se débarrasser d'abord de sa culture qui est une culture de domination. Bon, ce n'est quand même pas moi qui ai fait l'Empire, qui est colonisé de taille et des stocks, qui est constitué la France sur les débris des identités régionales. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'avis. Et vous constaterez que aujourd'hui, trois États-nations, la France, l'Espagne, et le Royaume-Uni, pour ne pas dire l'Angleterre, sont affrontés à des phénomènes qui sont sécessionnistes pour eux, deux d'entre eux, et autonomistes pour le cas de la Corse. Alors, Monsieur Simeoni, retournons dans le passé. Pourquoi êtes-vous venu à Aléria, que je crois que j'ai appelé Alésia une fois dans mon récit, je vous demande de me pardonner. Enfin, ça montre que nous sommes en direct. Bref, Aléria. Pourquoi êtes-vous venu à Aléria avec des armes, puisque vos intentions étaient pacifistes, disiez-vous? Écoutez, nous sommes venus à Aléria parce que il y a quand même une dizaine d'années que la lutte a quand même repris en Corse. Sans aucune violence, mais avec des manifestations qui sont extrêmement dures. Nous réclamons quoi? Nous réclamons d'abord que la démocratie s'exerce. Premièrement, c'est que les élections deviennent normales. Or, ce n'est pas le cas. Nous demandons que le système de clientèle, le système claniste, soit dépouillé de ses attributs. La corruption, le népotisme, la prévarication, dont des Corses sont les bénéficiaires, c'est manifeste, mais qui sont des atteintes flagrantes à la démocratie. Et nous demandons que désormais, en matière de développement économique, touristique et agricole, les Corses soient associés à ce développement. Il me semble que ce sont des choses normales. De surcroît, nous y ajoutons un statut d'autonomie de gestion, qui est bien en deçà d'un statut d'autonomie interne, donc il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, sauf quand on est dans un État hyper centralisé. Oui, mais à l'époque, j'en viens à l'époque, pourquoi êtes-vous venu avec des armes? Alors, nous sommes venus avec des armes parce que, au cours de plusieurs manifestations, où nous avions totalement raison, nous avons été délogés par la force, par la coercition, par l'emploi de grenades lacrymogènes et même d'autres grenades qu'ils utilisaient dans la répression des prisons et autres, des grenades au soufre et au chlore, et qu'il était impossible d'affronter les forces de l'ordre. Comme en plus la voie démocratique des élections était fermée, elle était impossible parce qu'il n'y avait pas de communication, elle était captée entièrement par le système politique, par la préfecture, vous n'aviez absolument aucun moyen de lutter. On a choisi un cas emblématique d'une malfaçon grave de la viticulture corse, qui signalait quand même que cela s'établissait sur un périmètre de colonisation agricole, et comme nous avions dénoncé cette attitude scandaleuse au pouvoir public, et qu'il ne réagissait absolument pas, nous avons décidé de crever l'abcès. Nous avons pris des fusils de chasse, pourquoi? Nous avons pris des fusils de chasse pour une raison simple. C'est en Corse une arme traditionnelle, et chacun sait que ce n'est pas une arme de guerre. On ne soutient pas un siège avec des fusils de chasse, autrement nous aurions pris des armes de guerre. Et contrairement à ce qui est dit des fois dans le reportage, toutes les enquêtes ont montré que nous n'avions pas d'armes de guerre, et que nous n'avons pas utilisé d'armes de guerre. Donc le choix était clair, c'était un choix d'illégalité, c'était un choix frontal qui mettait en cause, c'est vrai, l'autorité de l'État, mais l'affaire pouvait être, à mon avis, dénouée, simplement en engageant des poursuites contre les fraudeurs du vin, en nous déférant devant les tribunaux et en nous jugeant pour occupation illégale d'un territoire. Mais évidemment, M. Poniatowski n'a pas voulu ça. Monsieur Simeoni, vous dites qu'un fusil de chasse n'est pas une arme de guerre, mais un fusil de chasse tue et peut tuer et tue un homme. On a tué deux, hein. Donc c'est aussi des armes de guerre, non? Fusil de chasse, non, c'est une arme de guerre. Enfin. Non. Un fusil de chasse, ce n'est pas une arme de guerre. Mais alors, écoutez, si quand nous étions dans la cave, avec un problème aussi grave qui venait véritablement en point d'orgue d'une politique que la jeunesse corse n'acceptait plus, on nous délogeait avec deux grenades et trois gifles. Vous comprenez que le problème corse, à mon avis, aurait été résolu. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Aléria, c'est l'élément fondateur de la révolte corse contemporaine. Parce que la révolte corse, elle a commencé du jour où Pontenovo a scellé la victoire des armes françaises. Jusqu'en 1812, il y a eu une loi douanière scélérate, il y a eu une répression terrible, et après il y a eu la francisation. Mais les Corses n'ont jamais abdiqué leur droit à la liberté. Alors, on l'a souligné, les événements d'Aléria sont des événements fondateurs. Quand le FLNC s'est créé, vous étiez en prison, comment avez-vous réagi à la nouvelle? Ben, j'ai réagi à la nouvelle, j'ai pensé que du moment qu'un mouvement comme l'ARC, qui je le rappelle jusqu'à l'affaire d'Aléria était un mouvement légal, n'arrivait pas à arracher le respect de la démocratie, c'est-à-dire des élections normales, des marchés publics normaux, la fin des trafics d'influence et du clientélisme, j'ai compris que la répression étant là, immanquablement, inévitablement, devait naître une révolte clandestine. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, que beaucoup de nos cadres, parmi les plus motivés, ont rejoint la clandestinité. Alors, Edmond Simeoni, comment il y a eu des dérives mafieuses hein, dans le mouvement indépendantiste corse, il y a eu de vrais dérapages. Est-ce que ces dérives-là, des dérives presque criminelles, hein, ont tué le mouvement nationaliste corse en le décrédibilisant? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Alors écoutez, d'abord je voudrais signaler à l'intention de vos éditeurs qu'il y a eu en Corse, en quelques 30 années, il y a eu environ 10 500 attentats. Que ces attentats, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure dans un des reportages, n'avaient pas pour but de tuer les gens. Parce que quand vous faites 10 000 attentats et que systématiquement les cibles sont des cibles qui sont vides, qui ne sont pas occupées, et que véritablement les bavures se résument à quelques cas, vous ne pouvez pas dire que c'est un terrorisme aveugle. C'est impossible. La troisième chose, c'est que des révoltes qui durent des décennies comme celle-là ne peuvent pas ne pas charrier, malheureusement, des scories. Qui sont quoi? Qui sont l'argent douteux, les perceptions illégales, des règlements de comptes, etc. Mais le nationalisme corse n'a pas été entaché par ça pour une raison simple, c'est que quand je me suis présenté en 1965 ou 66 à des élections, j'ai eu une voix. Et aujourd'hui, le mouvement national, dans sa diversité, c'est vrai, a totalisé en 2010 37% des voix, sans aucun moyen de pression. Donc le nationalisme a continué à avancer. C'est un nationalisme qui n'est pas agressif, qui se situe dans le cadre européen. Et pour notre part, on continue à réclamer un statut d'autonomie interne. Alors, Monsieur Simeoni, on va également partager ce souvenir-là ensemble. 7 février 1998, au réveil, l'information traumatisante tombe. France Inter. Hier soir à Ajaccio, à 21h15, le préfet de la région Corse a été assassiné peu après. En liaison avec Matignon, Jacques Chirac publiait le communiqué suivant. Je donne au peuple français l'assurance que la police et la justice feront tout ce qui est nécessaire pour retrouver et punir les assassins de Claude Erignac. Édition spéciale donc ce matin, voici tout d'abord avec Antoine Ganac qui nous appelle d'Ajaccio les circonstances du drame. Les tueurs postés en embuscade n'ont laissé aucune chance au préfet de région. Ils ont attendu que Claude Erignac sorte du véhicule de fonction qu'il conduisait lui-même pour l'abattre froidement par derrière de 3 balles dans la tête. Les assassins au visage grimé étaient jeunes, selon les témoignages recueillis par les enquêteurs. Ils se sont enfuis par les ruelles qui croisent la rue Colonna d'Ornano, où le drame s'est déroulé. Dans sa fuite, l'un des tueurs a perdu une arme, un Beretta de calibre 9 mm. L'arme va désormais être examinée par les spécialistes de la police scientifique qui espèrent y déceler un indice permettant de remonter jusqu'aux auteurs de cet assassinat. Monsieur Simeoni, peut-on dire que l'assassinat du préfet Erignac est symboliquement le fait des enfants perdus d'Aléria? Non, absolument pas. Je pense que, malheureusement, et j'ai condamné clairement l'assassinat de Monsieur Erignac, mais il y a eu d'autres personnes qui ont été tuées. Il y a eu beaucoup de nationalistes qui sont morts dans des attentats, qui sont morts dans des actes de répression. Et puis il y a eu des milliers de Corses les années avant qui sont morts dans la lutte répressive menée par la France. Je peux dire qu'ils sont les enfants inévitables de la révolte des Corses contre l'oppression coloniale. C'est tout. C'est une évidence. C'est pour moi. Je ne pense pas que ça puisse être contesté après 40 ans de lutte. Alors, comment interprétez-vous, justement, après 40 ans de lutte, la déclaration de désarmement du FLNC en juin dernier, dépôt des armes, sortie de la clandestinité? Eh bien, d'abord, la première chose, c'est que je constate qu'aujourd'hui, le fond idéologique du combat corse, c'est-à-dire l'identité, la langue, l'existence du peuple corse, le statut de résident, la co-officialité, la modification institutionnelle sont devenus le lieu commun de la Corse, puisqu'aujourd'hui même, la Corse a délibéré démocratiquement et a choisi de rentrer dans la voie du progrès. Malheureusement, l'État, qui est lui inamendable, vient de dire non par la voix du président de la République, de M. Valls et de M. Cazeneuve. On se retrouve encore à la case départ, c'est-à-dire qu'il y a un refus d'admettre des revendications qui sont des revendications démocratiques. Et je crois que cela ne peut que générer encore des affrontements. Parce que ce qui crée la violence, ce ne sont pas les Corses, c'est la politique que l'État applique en Corse. Comment vous voyez maintenant l'avenir de la Corse en fonction de tout ce qu'on a raconté, de ce qui s'est passé et puis de cette déclaration du FLNC? En fonction de cette histoire récente, de ces 40 ans d'histoire. Oui, Le FLNC, d'abord, à mon avis, a pris une décision très, très importante. Et en décidant d'abandonner le choix des armes, et il l'a fait quand il a pensé que la situation politique avait largement évolué de façon positive, il a pris une bonne décision, et cela enlève tout prétexte, ou en tout cas, même toute réserve fondée, pour dire que désormais le dialogue est impossible. Ça, c'est une chose, c'est un acquis considérable des derniers mois. Mais la situation aujourd'hui est totalement bloquée dans la mesure où le gouvernement refuse absolument le dialogue, non plus avec des militants qui seraient des militants perdus comme je l'étais avec mes camarades, mais aujourd'hui qui sont des élus de la Corse et qui sont majoritaires dans ces votes-là. Il y a un déni de justice, il y a un déni de démocratie, et vous comprenez bien que la lutte ne va pas s'arrêter. Elle va s'amplifier, mais elle va prendre d'autres formes. C'est-à-dire Nous n'allons pas changer de revendication. Nous pensons qu'un statut d'autonomie dans le cadre de la République et dans le cadre européen est la solution adaptée. Nous pensons aussi que l'Europe va devenir, dans les 15 à 20 ans qui viennent, fédérale et qu'elle aura à ce moment la maîtrise des domaines régaliens, affaires étrangères, défense nationale. Et nous pensons en particulier que dans tout le domaine interne, nous devons gérer nos propres affaires dans le cadre du respect des lois, du code de procédure civile, du code du travail, etc. Ce n'est pas une rupture, c'est une forme d'appartenance. Mais comme le dialogue est impossible, nous allons très très vite recommencer l'internationalisation. C'est-à-dire que nous allons aller de partout où il y a des consciences, parce que dans le monde ça existe, où il y a des institutions, elles existent dans le monde, pour dire la politique que fait la France en Corse. Et ça ne va pas être des anecdotes, ça va être des dossiers précis, argumentés, qui vont porter sur l'argent public, sur les arrêtés MIO, sur le refus des décisions démocratiques de l'Assemblée de Corse, sur la répression, sur les procès inéquitables, même sur l'affaire Colonna, parce que cette affaire n'est pas soldée, elle va être jugée incessamment par les instances européennes. Donc, nous voulons poser un problème démocratique à la face du monde démocratique. Il n'est pas possible que dans le cadre du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination, on refuse à la Corse le droit de choisir démocratiquement son avenir. Et si demain les Corses choisissent de rester intégralement dans la République française sans statut, nous continuerons la lutte démocratiquement et sans aucune violence. Je crois que le deal est équitable. Bien, en tout cas, merci Edmond Simeoni pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Au revoir, Edmond Simeoni. Au revoir, monsieur. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.